Parti de France il y a très longtemps pour explorer la terre. Avec presque rien dans les poches, et parti sur la mer. Engagé par une compagnie pour pêcher sur les bancs. Au royaume de la morue, du sol et du harin. Au lendemain de la conquête, les commerçants anglais, avec Charles Robert à leur tête, attrapent dans leur filet les gens de mon village qu'on avait pris soin d'endetter, condamnés à payer leur dû et à vivre isolés. Je suis un enfant de la mer et fier de mon pays. C'est l'héritage de mon grand-père que je défends ici. Et tous les marins courageux qui ont laissé leur vie pour bâtir un petit coin de terre ici en Gaspésie. Un jour sont venus les pirates pour brûler et piller les quelques réserves amoncées tout au long de l'été. Les villageois découragés du sort qui se dessine. L'hiver sera dur, il faudra traverser la famine. Je suis un enfant de la mer et fier de mon pays. C'est l'héritage de mon grand-père que je défends ici. Et tous les marins courageux qui ont laissé leur vie pour bâtir un petit coin de terre ici en Gaspésie. Une fois la poussière retombée, tout va recommencer. Et pendant plus d'un siècle, ils vont se battre et continuer. Aujourd'hui, de ces braves gens ne reste que l'histoire. Et le sang dans mes veines qui vient souffler à ma mémoire. Je suis un enfant de la mer et fier de mon pays. C'est l'héritage de mon grand-père que je défends ici. Et tous les marins courageux qui ont laissé leur vie pour bâtir un petit coin de terre ici en Gaspésie.